Chapitre 4e. La fête ne se termina qu'au petit jour. Le soir même du lendemain, l'algarade scandaleuse du vestiaire défrayait déjà les conversations et chacun faisait des gorges chaudes. Cet esclandre porta un coup aux époux Robin des Roches et leur ouvrit cruellement les yeux sur les dispositions malveillantes des habitants de Villotte. Non seulement il leur fallait renoncer à tout espoir de prendre rang dans la société aristocratique du chef-lieu, mais ils étaient profondément irrités de leur déconvenue et ne pardonnaient pas aux coteries locales la façon outrageante dont on avait répondu à leurs avances. Dans leur premier mouvement de colère, ils ne parlaient rien moins que de vendre la gélinière et de quitter cet ingrat pays. Mais ils avaient fait de grosses dépenses, et il n'était pas facile de trouver un acquéreur sérieux. Ils se résignèrent donc à cacher leur dépit et à montrer bon visage à mauvais jeu. Toutefois, à partir de ce désastre, leur disposition d'esprit et leur façon de vivre subirent une radicale transformation. Indigné de la méchanceté de ses anciens compatriotes, Mimi Desroches ne rendit plus de visite et se calfeutra chez elle. Quant à M. Robin, ne trouvant ni à la gélinière, ni dans le monde de la petite ville les distractions et les satisfactions d'amour-propre qu'il avait rêvées, il s'ennuya au logis et chercha des compensations dans une société d'ordre inférieur. Il donna sa démission de membre du cercle et se mit à fréquenter les cafés où des boutiquiers des employés subalternes se réunissaient quotidiennement pour jouer leur consommation aux rames ou à l'écarté. Ayant le gousset bien garni et la main généreuse, il fut vite à l'aise et conquit rapidement les bonnes grâces de ce milieu un peu mêlé où les parasites ne manquaient point. Il y prit des habitudes de laisser-aller et de vulgaires dissipations. Dès après le repas du midi, il quittait la gélinière et souvent l'y attendait en vain à l'heure du souper. Il ne rentrait que fort tard, après de longues stations au jeu ou au sortir de quelques parties fines dans les guinguettes de la banlieue. On prétendait même qu'il se dérangeait, il y avait un ménage en ville. Morissette, également, subissait le contre-coup des déceptions de ses parents adoptifs. M. Robin Desroches, depuis qu'elle avait été le témoin de la scène du vestiaire, l'avait prise en grippe et ne voulait plus qu'elle mangeât à la table de famille. De son côté, Mimi Desroches, vivant maintenant en recluse, et ne pouvant plus faire étalage aux yeux du monde de ses sentiments maternels pour la négrillonne, s'était peu à peu détachée de cette jeune sauvage, légèrement ridicule et encombrante. Elle avait renoncé à parfaire l'éducation de l'adolescente et la reléguait insensiblement à l'office. Morissette, délaissée et négligée, ne soignait plus sa toilette, perdait les quelques bonnes manières qu'on lui avait péniblement inculquées, et menait une existence désagréablement cahotée entre les domestiques qui se moquaient d'elle et les maîtres qui la rudoyaient. Comme ma mère et mon aïeul avaient continué leur relation avec la cousine Mimi, et étaient presque les seules personnes qu'elle admit dans son intimité, j'allais encore de temps à autre à la gélinière, et j'avais occasion de revoir mon ancienne camarade. Mais il n'était plus question de jouerie dans le parc. Madame Robin Desroches parlait vaguement de mettre la négrillonne en apprentissage dans un atelier de couture. En attendant, elle l'occupait à des travaux de lingerie. Quand nous venions en visite, nous surprenions souvent Morissette dans un coin du boudoir, assis sur une chaise basse, en face d'une corbeille pleine de linge à raccommoder. Mimi Desroches, frileusement pelotonnée sur sa chaise longue, nous contait d'une voix d'enfant boudeuse ses ennuis et ses déboires. Elle se plaignait de tout, des fraîcheurs de l'automne, de l'humidité de son logis, de la paresse de ses domestiques, de l'isolement où la laissaient les absences plus ou moins fréquentes de M. Robin. Elle trouvait les journées horriblement fastidieuses. Elle regrettait d'être inhabile aux travaux à l'aiguille, qui lui auraient au moins servi à remplir le vide des heures. Mais elle ne savait ni broder ni faire de la tapisserie, et d'ailleurs, elle se sentait si faible qu'elle n'avait de courage à rien. « J'ai voulu du moins, ajouta-t-elle en s'étirant languissamment, épargner à Morissette la peine dont je souffre à être ainsi désœuvrée. Et je lui ai fait donner des leçons de couture. Nous ignorons tous, n'est-ce pas, ce que l'avenir nous réserve. La pauvre petite n'a guère chance de dénicher un mari dans ce pays-ci. Le travail lui sera une ressource et l'empêchera de pâtir de sa solitude. Malheureusement, elle est paresseuse comme un loir et son indolence me désespère. Je ne suis guère payé de ma sollicitude et je n'ai affaire qu'à des ingrats. » Pendant ce discours géniard, je regardais la négresse à la dérobée. Elle levait au ciel ses yeux luisants comme pour protester contre ses prétendues marques d'intérêt, puis elle les rabaissait avec mélancolie et lorgnait entre l'écartement des rideaux les verdures du parc, baignées de soleil, qui semblaient inviter au vagabondage en plein air. Tandis qu'elle tirait nonchalamment l'aiguille, les ailes mobiles de son nez se dilataient, une comique grimace tordait ses lèvres et furtivement elle lançait les coups de pied rageurs dans la haute corbeille de linge qui lui promettait de la besogne pour tout le reste de l'après-midi. Je m'apitoyais sur cette sauvageonne, si turbulente, si amoureuse de liberté, confinée par sa maîtresse dans un petit salon aux vitres closes, qui exhalait de rances odeurs de fleurs fanées et d'oiseaux enfermés. Nous touchions à la fin de septembre et je venais d'achever ma rhétorique. Il fut convenu que j'irais la redoubler au lycée Louis-le-Grand, où je préparais ensuite mon baccalauréat. En ce temps-là, il n'y avait pas de chemin de fer dans l'Est. Les voyages étaient longs et coûteux. Mon père décida que je passerais 2 ans d'enfilée à Paris et ne reviendrais à la maison que pourvu de mon diplôme de bachelier. On s'occupa donc de mon trousseau sans désemparer et je m'empressai de faire mes visites d'adieu. Je n'eus garde d'oublier la gélinière. Comme toujours, M. Robin était absent, mais Mme Mimi me reçut dans son boudoir où un joli feu de bois flambait déjà. Je la trouvai changée à son désavantage. Ne prenant point d'exercice, elle était devenue obèse. Sa démarche s'alourdissait et son teint se couperosait. Elle me félicita de quitter Billotte et d'échanger cette résidence maussade contre un séjour dans la capitale. Elle se plaignit plus que jamais de la monotonie de son existence et de la longueur des journées. Comme je m'étonnais de son isolement et manquerais de Morissette, « Oh » soupira-t-elle, « sa paresse et sa veulerie m'agaçaient tellement que je l'ai reléguée en bas. Elle n'entendait rien à la couture et je l'ai mise au repassage. » J'ai eu vraiment grand tort de ne pas la laisser à la Martinique. J'eus beau insinuer que j'aurais été content d'embrasser mon ancienne camarade avant de partir. La bonne dame fit la sourde oreille et je dus me retirer sans avoir vu la négrillonne. Pourtant, au moment de quitter la gélinière, je ne pus résister à la fantaisie de pousser une pointe vers les jardins et le parc déjà rouillés par les premières brumes d'octobre, bien m'en pris. Tandis que je longeais un pavillon en retrait qui était aménagé pour la buanderie et la lingerie, j'entendis monter par une croisée entr'ouverte le dernier couplet de la chanson créole qu'affectionnait Morissette. Les filles du Havre sont des intrigantes qui vendent le queue pour de l'argent. Les filles de la Martinique le donnent à qui le fait plaisir. Je n'hésitais pas à tourner le livre de la porte et j'aperçus en effet Morissette en train de repasser. Elle promenait son fer sur des chemisettes étendues en travers d'une étroite planche matelassée que supportaient deux tréteaux. À côté, sur un trépied, brasillait un réchaud destiné à chauffer les fers. Malgré la fenêtre ouverte afin de renouveler l'air, la température dans cette pièce exiguë était si élevée que la repasseuse avait dû se débarrasser de son corsage pour ne garder que sa jupe et sa chemise nouée par un cordon très lâche. Sur les murs, crépis à la chaux et sur la blancheur mate du linge épars, ses cheveux, son visage, son cou, ses bras nus semblaient d'un noir plus intense, et dans cette toilette sommaire, la négrillonne me parut devenue tout à fait une femme. Au bruit de la porte entrebâillée, elle releva la tête et, me reconnaissant, me salua d'un large sourire qui courut de ses lèvres à ses yeux. Puis, déposant son fer, elle s'essaya. « Bonjour, monsieur Claude, bien content de vous voir. » Je lui expliquai que je m'en allais à Paris pour longtemps et que je n'avais pas voulu partir sans lui faire mes adieux. À mesure que je parlais, son sourire s'évanouissait et son mobile regard se noyait de tristesse. « Ah » soupira-t-elle, « malheur, vous partiez, moi fini rire pour toujours. » Je lui répondis que je ne l'oublierai pas, et qu'à mon retour dans 2 ans, je serai bien heureux de la revoir. Elle hocha la tête. « 2 ans, beaucoup de temps, moi pas changé, mais elle y m'aide, fatiguée de moi, renvoyée Morissette. » Elle tournait le dos à ses tréteaux, et se rapprochant, me regardait avec ses grands yeux qui s'embuaient de larmes. Brusquement, elle me jeta ses bras autour du cou. « Morissette vous aimait, » murmura-t-elle. « Prenez-la avec vous à Paris. » Très troublé par cette étroite embrassade, j'essayais de me dégager en douceur et je balbutiais de confuses paroles pour lui démontrer l'impossibilité de l'emmener dans mon lycée. Elle ne répliqua pas, mais je sentis soudain l'humide impression de ses lèvres sur les miennes. Tandis que, tout étourdi par cette caresse fougueuse, je commence à perdre la tête, elle dénoua lentement son étreinte, alla s'affaler sur une chaise basse et éclata en sanglots. De plus en plus désemparée et mal à l'aise, craignant que cette bruyante douleur n'attire l'attention des domestiques et que quelqu'un d'entre eux ne nous surprît, je cédai sautement à la peur du ridicule et tandis que la pauvre fille pleurait, la tête dans ses mains, je m'esquivais sans oser lui dire un dernier adieu. Mes 2 années de lycée s'écoulèrent plus rapidement que je ne me l'étais imaginé. Je dois avouer que mon nouveau mode d'existence et les distractions de Paris y aidèrent puissamment. Lorsque je revins avec mon diplôme en poche, je fus accueilli comme l'enfant prodigue par ma mère et ma grand-mère. Le soir, après un plantureux dîner, on se mit à causer et je m'enquis de ce qui s'était passé à Viotte en mon absence. « Au fait, » commença ma grand-mère, « il s'est produit un gros événement dans la famille. Mimi Desroches est morte. »« Morte ? » m'écriai-je. « Et vous ne m'en avez rien dit dans vos lettres ?»« Il y a des choses qu'on n'aime pas écrire, » reprit ma mère. La pauvre Mimi n'était pas heureuse en ménage. Un jour, elle a reçu la visite d'un ouvrier dont son triste sire de mari avait séduit la fille. L'homme réclamait de l'argent et menaçait de faire un scandale. Ça donnait à Mimi un tel coup qu'elle a eu dans la nuit une attaque d'apoplexie, et elle n'en est pas revenue. Par son testament, elle avait légué toute sa fortune à cette fripouille de Robin. « Oui, » interrompit ironiquement mon aïeul, « la vertu est toujours récompensée. » « Cet aventurier, » poursuivit ma mère, « a tout de suite montré ce dont il était capable. Il a vendu la gélinière à vil prix et s'en est allé à Paris continuer sa vie de ripaille et de débauche. On n'en a plus entendu parler. » « Et Morissette ?» demandai-je. Le drôle avait soin de s'en débarrasser auparavant. Il l'avait interné dans un ouvroir de charité tenu par les sœurs du calvaire. Il est parti en oubliant de payer la pension. Y est-elle encore ? Non. Elle s'est mal conduite et on l'a mise à la porte. Depuis, il l'a donnée dans le travers. C'est maintenant une fille des rues. Elle n'était pourtant pas séduisante, cette Moricaude, mais les hommes sont si vicieux. « La malheureuse créature !» conclut ma grand-mère, n'est pas seule à blâmer. Cette folle de Mimi a aussi sa part de responsabilité. Elle s'est engouée de la négrione au point de vouloir d'abord la traiter comme sa fille. Mais elle changeait souvent d'idée et se désenchantait vite. La pauvre Morissette en a pâti. Ses beaux projets d'adoption finissent le plus souvent en cacade. D'ailleurs, il y a des plantes qui ne gagnent pas à être dépaysées. Elles dépérissent ou dégénèrent quand on les change de climat. Quelques semaines après cette conversation, un soir que je traversais à l'heure d'entre chien et loup un faubourg de Viotte assez mal famé, je me heurtais à un couple équivoque. La femme, à la tournure nonchalante et à la taille épaisse, parlait à son compagnon avec une voix zézayante qui attira mon attention, et dans la pénombre, sa ressemblance avec l'ancienne fille adoptive de Mimi Desroches me frappa. Au moment où j'allais la dépasser, elle tourna la tête de mon côté et je n'eus plus de doute. C'était bien Morissette. Mais avec un geste enfantin, elle couvrit de son bras une partie de son visage et, lâchant son partenaire, elle se rejeta farouchement au fond d'une obscure ruelle où elle disparut.